Si, si tu m'aimes, follow me. CMB. Si tu m'aimes, follow me. Andrew. Si tu m'aimes, follow me. Follow me. Wana fiki wazandiki na wabaye baye. Basi renge dina langwati ye hanyoni ahe. Andrew. Kuna bale. Ayi bale. Kuna bale. I am the business. Only God can give me. I am the. Prends le temps de me connaître avant de me juger. N'écoute pas ce qu'ils disent, ils sont tous des rageux. Et crois me connaître. Découvre-moi par toi-même. Prends le temps de me connaître avant de me juger. N'écoute pas ce qu'ils disent, ils sont tous des rageux. Et crois me connaître. Découvre-moi par toi-même. Prends le temps de me connaître avant même de me juger. Prends le temps de me connaître, n'écoute pas les préjugés. Balé. Wanna fiki. Baye. Tu crois me connaître, non. Tu me connais pas. I am B. Na mon échelle humbé. Na fik, nandiki. Na balé, only God can hit me. Prends le temps de me connaître avant de me juger. N'écoute pas ce qu'ils disent, ils sont tous des rageux. Et crois me connaître. Découvre-moi par toi-même. Prends le temps de me connaître avant de me juger. N'écoute pas ce qu'ils disent, ils sont tous des rageux. Et crois me connaître. Découvre-moi par toi-même. On vient de se croiser, pourquoi tu veux me juger? Comme toi, on te dit comment déjà, est-ce que tu me connais? Tu connais pas ma life, donc arrête de me blaser. Je m'appelle Felipe, ce n'est que le connaît. Fais pas la tapette si t'as un blême, viens m'approcher. Je suis pas du genre à faire le focus, je vais te rentrer. Tu croyais me connaître, mais non, tu t'es trompé. Un conseil, casse-toi, sinon je vais te saigner. Prends le temps de me connaître avant de me juger. Écoute pas ce qu'ils disent, ils sont tous des rageux. Et crois me connaître. Découvre-moi par toi-même. Prends le temps de me connaître avant de me juger. N'écoute pas ce qu'ils disent, ils sont tous des rageux. Et crois me connaître. Découvre-moi par toi-même. Prends le temps de me connaître avant de me juger. N'écoute pas ce qu'ils disent, ils sont tous des rageux. Et crois me connaître. Découvre-moi par toi-même. Prends le temps de me connaître avant de me juger. N'écoute pas ce qu'ils disent, ils sont tous des rageux. Et crois me connaître. Découvre-moi par toi-même. De mon sort, vous pouvez parler. Je que si ma hinda n'a pas capable de pouvoir parler. Namourongue, manawamouane, zona manawamouam, mami, drenga study, drenga study, drenga study, I am being a building. Drenga study, mami, drenga study, I am being.